Au bout d'une demi-heure, ayant usé de tout pour la convaincre, et n'insistant même plus, je l'accompagnais chez ses beaux-parents, dans l'état d'esprit d'un condamné à mort, espérant, jusqu'au dernier moment, qu'un coup de main se fera sur la route du supplice. Je voyais s'approcher la rue, sans que rien ne se produisît. Mais, soudain, Marthe, frappant à la vitre, arrêta le chauffeur du taxi devant un bureau de poste. Elle me dit « Attendez-moi une seconde, je vais téléphoner à ma belle-mère que je suis dans un quartier trop éloigné pour arriver à temps. » Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus d'impatience, j'avisai une marchande de fleurs et je choisis, une à une, des roses rouges dont je fis faire une botte. Je ne pensais pas tant au plaisir de Marthe qu'à la nécessité pour elle de mentir encore ce soir pour expliquer à ses parents d'où venaient les roses. Notre projet, lors de la première rencontre, d'aller à une académie de dessin, le mensonge du téléphone qu'elle répéterait ce soir à ses parents, mensonge auquel s'ajouterait celui des roses, m'était des faveurs plus douces qu'un baiser. Car, ayant souvent embrassé, sans grand plaisir, des lèvres de petite fille, et oubliant que c'était parce que je ne les aimais pas, je désirais peu les lèvres de Marthe, tandis qu'une telle complicité m'était restée jusqu'à ce jour inconnue. Marthe sortait de la poste, rayonnante, après le premier mensonge. Je donnai au chauffeur l'adresse d'un bar de la rue d'Onou. Elle s'extasiait, comme une pensionnaire, sur la veste blanche du barman, la grâce avec laquelle il secouait les gobelets d'argent, les noms bizarres ou poétiques des mélanges. Elle respirait de temps en temps les roses rouges dont elle se promettait de faire une aquarelle qu'elle me donnerait en souvenir de cette journée. L'après-midi, il fallut songer au motif de son voyage. Son fiancé, dont elle savait les goûts, s'en était remis complètement à elle, du soin de choisir le mobilier. Mais sa mère voulait à toute force la suivre. Marthe, enfin, en lui promettant de ne pas faire de folie, avait obtenu de venir seule. Elle devait ce jour-là choisir quelques meubles pour leur chambre à coucher. Cette obligation d'accompagner Marthe m'apparut comme une malchance. Il fallait donc l'aider à choisir une chambre pour elle et un autre. Puis, j'en trouvis le moyen de choisir une chambre pour Marthe et pour moi. Non seulement le narrateur arrive à imposer à Marthe ses propres goûts dans le choix du mobilier de cette chambre, mais y ajoute encore d'en faire peindre les murs à la chaux. À la fin de cette journée réintente, je me félicitais du pas que j'avais fait. J'étais parvenu à transformer meuble à meuble ce mariage d'amour, ou plutôt d'amourette, en un mariage de raison. En me quittant ce soir-là, au lieu d'éviter désormais mes conseils, elle m'avait prié de l'aider les jours suivants dans le choix de ses autres meubles. Je lui promis, mais à condition qu'elle me jurât de ne jamais le dire à son fiancé, puisque la seule raison qui pût, à la longue, lui faire admettre ses meubles, s'il avait de l'amour pour Marthe, c'était de penser que tout sortait d'elle, de son bon plaisir, qui deviendrait le leur. « Bah, Jacques s'habituera bien à cette chambre, » avait dit Marthe. Pour moi, quelle que fût l'issue de cette idylle, j'étais d'avance bien vengé de son Jacques. Je pensais à la nuit de noces, dans cette chambre austère, dans ma chambre.